chez Jean Dumas Ford de Dolbeau Mistassini. On vous offre le F-150 9 à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 6 000 $ en valeur totale, incluant 3 350 $ en allocation et livraison. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau Mistassini. 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford Dolbeau Mistassini vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler de motoneige. Tim Tremblay qui commence une nouvelle saison dans le circuit Isoc Racing. Et question de savoir un peu comment il anticipe la prochaine saison. Nouveau résident de Dolbeau Mistassini, je suis content. Salut Tim. Salut. Tim, oui, t'es revenu dans la région depuis le mois d'août, c'est ça? Oui, c'est ça, on est revenu dans la région, là, retour au bercail, comme on pourrait dire. Puis c'était-tu quelque chose que t'avais planifié, c'est-tu quelque chose que t'avais pensé, ou c'était vraiment, là, ça s'est décidé vraiment dans les derniers mois? Oui, ben nous, c'est certain, moi puis ma blonde, qu'on voulait revenir dans la région. Là. On était éloigné de la région en raison de la job de ma conjointe, mais là, on voulait vraiment revenir au Lac-Saint-Jean, puis on a eu une opportunité, donc on est bien content de revenir dans la région. OK. Faut dire que ta blonde vient aussi de Métabetchouan, donc elle n'est pas dépaysée quand elle arrive ici, là. Non, c'est ça, c'est un petit peu plus loin, là. C'est un petit peu dans l'eau du lac, mais elle est contente de revenir au lac Saint-Jean. Là. OK. Tim, comment t'entrevois la prochaine saison? Je pense que normalement, il doit avoir une course de fête, normalement, c'est ça? Oui, c'est ça. On a fait une course. Les préparations ont bien été pour la première course. La première journée, j'ai terminé sur le podium en troisième position. Puis la deuxième journée, j'ai eu une chute, mais j'ai remonté en cinquième position. Mais ça va quand même bien, là. La vitesse est là, la forme est là, puis ça s'annonce bien pour la saison. Là. Est-ce que du côté de la course, est-ce que vraiment, là, est-ce qu'année après année, les motoneiges changent, les équipes peuvent changer? C'est-tu un peu comme la course automobile, quoi que ça dépend des essais et ainsi de suite? Oui, ça change beaucoup. Je dirais qu'à chaque année, là, les manufacturiers ils investissent beaucoup d'argent dans leur programme, puis ils essaient toujours d'améliorer les machines puis les motoneiges. Donc, nous, cette année, là, BRP, la marque Skidoo, ont vraiment travaillé fort sur leur machine. Puis on dirait qu'on a une meilleure machine cette année. Donc, oui, il peut y avoir des améliorations puis des changements là, chaque année, là, point de vue de ce côté-là. Ça arrive-tu même durant la saison? Parce que souvent, en course automobile, les compagnies font des tests, font des améliorations au cours de la saison. Ça peut même changer au cours de la saison aussi? Oui, il y a beaucoup d'ajustements qu'on peut faire, mais nous, avec les règlements qu'on a dans notre classe, on est obligé de garder tout stock qui vient de la compagnie. Dans le fond, eux autres, quand ils vont faire la machine, on est obligé de garder les mêmes géométries, des trucs comme ça, mais on a le droit de changer de, disons, peut-être des setups de suspension ou de clutching ou de mapping de moteur, vu que maintenant, c'est tout à injection. Fait qu'il y a beaucoup de gains à faire là-dedans aussi, qui est un petit peu plus compliqué, mais oui, on peut s'améliorer durant la saison. OK. Est-ce que le niveau commanditaire là-dessus, est-ce que ça a été facile cette année? Parce que on se contre pas d'histoire, c'est vraiment le nerf de la guerre. Est-ce que t'as à courir ça aussi cette année? T'as eu à courir ça? Ben moi, pas vraiment. Je suis quand même assez chanceux sur ce côté-là. Quand j'ai commencé ma carrière de motoneige, j'ai tout de suite été dans les meilleurs, puis au Québec. Après ça, tout de suite à ma première année aux États-Unis, j'ai été dans les meilleurs dans la classe semi-pro. J'ai monté pro l'année suivante, puis j'ai gagné championnat pro. Fait que moi, ma carrière a vraiment débuté vraiment très rapidement, puis j'ai comme été un peu... J'ai vraiment monté trop vite, là, tu sais, vraiment vite. Puis tout le monde voulait comme m'avoir dans leurs équipes. Fait que ça a vraiment été facile pour moi d'avoir des commanditaires, puis de vivre de ça. Puis à chaque année, tu sais, les équipes m'offraient des choses parce que j'ai tout le temps été performant. J'ai gagné 3 fois des championnats du monde, puis j'ai terminé tout le temps en deuxième ou troisième place. Donc, pour moi, ça va vraiment bien de ce côté-là. Puis, j'ai pas vraiment de difficulté à trouver d'équipe ou de personnes pour s'occuper de moi. Ouais. Heureusement, parce que c'est une aide de la guerre. T'sais, on en parlait la semaine passée justement avec Alex Labbé, coureur automobile en NASCAR. Puis, Alex, écoute, t'as connu une bonne saison là, dans la deuxième ligue de l'antichambre de la série Infinity. Puis, il sait même pas s'il va courir faute d'argent. Donc, toi, t'es quand même été chanceux parce que quelque part, c'est quand même le même genre de pattern. Si t'as de l'argent, tu vas courir. Si t'as pas d'argent, tu cours pas. Les sports motorisés, c'est vraiment difficile. T'sais, on n'est pas reconnu selon notre talent, je crois, à comparer à des sports comme plus le hockey ou le soccer ou des trucs comme ça, qu'eux, ils gagnent vraiment des millions. Puis, c'est, ils n'ont pas des bonnes saisons, puis ils vont quand même gagner des millions. Nous, t'sais, on n'a pas une bonne saison, puis l'année d'après, on n'est même pas sûr si on va courser. Donc, c'est un petit peu plus dur de ce côté-là, mais il faut vraiment se démarquer. Il faut être meilleur que les Américains, puis... Quand tu es un des meilleurs au monde, ben, je pense qu'ils ont comme pas le choix de t'apprendre, mais c'est vraiment des sports difficiles, les sports motorisés. Il faut pas se le cacher. Écoute, effectivement, tu as parlé de ta compagnie qui a vraiment là, réussi à avoir une bonne machine cette année. Est-ce que tu peux penser que t'as la meilleure motoneige du plateau? Ben, c'est difficile à dire. On a juste une fin de semaine de passé, mais oui, on est pas mal plus compétitif que l'année passée. L'année passée, pour nous, c'était une nouvelle machine avec un nouveau châssis, un nouveau moteur. Fait que c'est un petit peu plus dur la première année qu'on sort comme ça. Mais l'année passée, j'ai eu quelques blessures. J'ai commencé à travailler très tôt aussi avec BRP pour la machine de cette année 2019. Puis... j'ai quand même, je pense, aidé pas mal là, à que ce soit sur la bonne route, puis que ce soit bien performant, puis qu'on ait un meilleur châssis, puis tout ça. Puis je pense que cette année, ça a quand même fait une bonne différence. Là, tout le monde est vraiment content de leur machine. Puis je pense que d'origine, on sort vraiment plus solide qu'on était l'année passée. Effectivement. Tim, ben, on va te souhaiter la meilleure des chances cette année. On va te suivre beaucoup. Un calendrier de quoi? 10 courses à peu près? Ouais, nous, on a 8 ou 9 fins de semaine. Okay. Souvent, c'est des fins de semaine doubles. Fait qu'on a environ là, 18 courses qu'on fait durant l'hiver. Là, tu es au Minnesota actuellement. Évidemment, le but, c'est de préparer, j'imagine, la machine aussi. Là. Aussi pour la prochaine course. Là. Oui, c'est ça. On a fait une première course au Minnesota. Là, on est encore ici. Puis notre prochaine course, c'est au Wyoming, en élévation. Je pense que c'est... dans le coin là, de 6000 ou 8000 pieds. Donc, ça fait vraiment une bonne différence. Fait que la semaine prochaine, à partir de dimanche, lundi, on va aller tester en haute altitude pour être sûr que tous nos settings puis tout fonctionne au point du moteur parce qu'on perd quand même environ 20% de horsepower. Fait que c'est vraiment important d'améliorer la machine puis de setuper les injections puis tout ça. C'est un petit peu compliqué. C'est vraiment des jobs d'ordinateur, mais on va essayer de setuper du mieux possible pour la deuxième course. Et courir en altitude aussi demande une préparation différente aussi. T'as beaucoup moins d'air, donc j'imagine qu'il faut que tu arrives en avance si tu veux être compétitif aussi, là, pour une question de t'acclimater à l'air qui est là-bas. Là. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Les machines, ils perdent 20%, mais nous aussi, oui, c'est ça. Il nous manque un petit peu d'air. Fait que d'arriver le plus tôt possible, puis... de faire du cardio puis s'acclimater à le moins d'oxygène, là, c'est important aussi. As-tu couru en motocross cet été en passant, en terminant? J'en ai fait un petit peu. J'ai fait 4 courses, mais je te dirais que je suis plus en semi-retraite. Là. L'été, là, je fais plus m'entraîner. J'ai fait beaucoup de vélo, un petit peu de motocross, puis j'essaie de m'occuper un peu plus de ma famille parce que être parti tout le temps l'été puis l'hiver, là, ça commence à être dur. Puis à mon âge aussi, ça commence à être dur sur le body. Fait que j'essaie plus de l'été garder la forme, puis changer d'air un peu, puis charger les batteries pour l'hiver. OK. Ben, Tim, on va s'en reparler tout au long de l'hiver un peu pour connaître un peu ta saison. Bon, ben parfait, merci beaucoup. Tim Tremblay de Dolbeau-Mistassini qui est revenu dans la région, qui est au Minnesota actuellement.